tu vois, ils sont là à parler, tu vois, ils sont là assis là-haut, tu vois. On rencontre du monde sur nos routes, on ne sait pas ce qui on va tomber, des gens qui croient en toi. Raconter des histoires, méfie-toi des papas d'eau.